I believe you when you say you've been sad for your whole life. Your body looks impossibly small when you hang your head and cry. Meanwhile, people on Tumblr unpack neuroses. And all you ever wanted was a warning with the most not to suddenly leave. You thought you'd never get out. You were tired of all this vision. You had the time. You had the power. You've yet to have your finest hour. Radio. All we hear is Radio Gaga. Radio Goo Goo. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Radio Gaga, l'émission 100% rock Stéphane, enfin presque. Et aujourd'hui, surtout nous avons presque. Le plaisir, oui, d'accueillir le groupe Pan of July, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça. Voilà, bah, bonsoir. Eh ben, merci. Un petit peu. Alors, il y a qui dans Pan of July ? Alors, nous sommes trois, je commence. Je m'appelle Jean-Noël. Ah, je suis batteur du groupe Pan of July et en face de moi se trouve Yann. Voilà, Yann. Bonsoir Yann. Salut, chanteur, guitariste. Et à ma droite. Et Nicolas, donc bassiste, choriste du groupe. D'accord. Bah, bienvenue et vous allez pouvoir découvrir votre nouvelle EP. Eh oui. 5 titres, on passera un titre, voilà, bah, un petit peu comme d'habitude. Dans un peu le même concept que d'habitude, avec une petite interview et puis. On passera un titre qui vous est cher, de vos influences majeures. Mmh. Et puis voilà. Surtout, en finale, deux titres en sûr, acoustique. Comme d'habitude. Avec plaisir. Voilà, on va enchaîner tout de suite sur un morceau un peu, c'est toujours un peu rock'n'roll. C'est souvent moi qui choisis le premier morceau. Là, on est avec AC/DC, on est en 1975. C'est un morceau pas très connu, c'est une reprise de Chuck Berry qui s'appelle School Days avec l'énorme Bon Scott. C'est parti. Go home, go home. Pat, c'est à toi. Ben, merci pour le petit ACDC. Eh bien, moi, j'avais envie de passer, avant qu'on découvre Pan of July, un groupe que vous ne connaissez pas trop. Non. En fait, on se dispute des groupes comme ça. The Toad Elevating Moment, je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais on les aime tous. En fait, on a fait Radio Gaga parce qu'on aime bien la musique qui se fait sur Saint-Etienne et les environs. Et c'est pour ça qu'on vous invite, les groupes. D'ailleurs, je ne sais plus quand est-ce qu'ils vont venir, les Toad Elevating Moment. À la rentrée. Mais c'est ça. Mais hein, quand exactement, ouais. On ne sait pas trop encore. Voilà, en tout cas, c'est le côté sympa de découvrir sous une autre face tous ces groupes locaux qui un jour deviendront... Des stars internationales. Donc, y a une nouvelle vidéo qu'ils ont fait avec Let All Go. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube. Et c'était assez sympa. Avec Pan of July. Il y a de la musique dans le casque, c'est normal. Normal. On connaît. Ah, je mets un petit fond, moi. On sophistique les choses. Il y a technicien et technicien. Bon, alors, Pan of July, ça existe depuis combien de temps? 3 ans et demi. D'accord. Ah, qui dit mieux? Qui dit mieux? 3 ans et demi, oui. Et vous êtes rencontrés comment? Pourquoi ce nom-là? Qu'est-ce que ça veut dire, Pan of July? Alors, July, juillet, mais Pan, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, ça, c'est un peu la question que tout le monde nous pose, ouais. Je crois que ça se traduit pas comme en français, non? Bien joué, hein, c'est ça. Ça se traduit pas du tout. Parce que... Pan, ouais, presque. Peter Pan, alors. Non. Non, alors, pour l'histoire, on anglicisait absolument tout pour avoir un nom en anglais pour notre groupe. Et du coup, tout y passait. Genre, tiens, assis-toi donc sur la chaise. Sit down on the chair. Sauf qu'on est nul en anglais un peu. Donc, du coup, on a essayé tous les noms de groupe possibles, inimaginables. Tu vois, genre, une lampe dans un bocal que je vois en face de moi. A lamp in the bocal. Tu vois, on faisait ça. Jusqu'au jour où Julie est tombée en panne pendant une répète. Julie, c'est ma copine. Qui est tombée en panne. Et on était là dépanné. Et du coup, vu qu'on anglicisait absolument tout, on fait panne of July, yeah. Et ça ne savait pas dire panne de Julie, en fait. Et ça, c'était pas le nom du groupe, en fait. À l'origine, c'était le nom du morceau qu'on était en train de composer. Voilà, du coup. Et quand on a mis des paroles sur le morceau, le morceau a changé de nom. Et ça nous plaisait quand même bien, panne of July. On a gardé pour le nom du groupe. Ouais. Voilà. D'accord. C'est une anecdote. C'est une anecdote du groupe. Pour tout le monde. Ok. On vive les pannes. Et votre rencontre, ça c'est, vous êtes des copains, petites annonces, comment ça s'est passé? On était des copains, ouais. vous êtes plus des copains. Oui. On joue ensemble, non, c'est fini. On sent une tension, des jalousies, c'est ça. Parce que le batteur est multi-instrumentiste, il fait tout. On aimerait trop savoir. Il est beau gosse, il a tout pour lui, quoi. Mais il a une copine déjà, on a déjà appris la fameuse info exclusive. Mais elle est en panne. Elle doit être toute rouge, bichette, derrière son poste radio. Si tu m'entends. Alors, ça nous dit toujours pas comment vous êtes rencontrés, c'est peut-être secret. Alors nous, nous on joue depuis très très longtemps. On s'est rencontrés collège-lycée, en fait. Donc on a joué longtemps ensemble avec Nico, basse et moi batterie. Vous êtes de Saint-Étienne ou de la Plaine? On est de la Plaine, Moron, Feur. D'accord, donc vous étiez au Bayou de Feur? Ouais, c'est ça. On a commencé à jouer là-bas d'ailleurs. Ouais, pour la fête de la musique du lycée, quoi. Ouais, mais... comme beaucoup. Ah, c'est lycée a commencé comme ça. Hein. Ouais, ouais. Bah, on les a vus d'ailleurs. Ouais, ils ont commencé à Feur. Ouais. Ils ont fait notre première partie. C'était plutôt Melbourne, je crois. Feur, Australia. Oui, donc. Et donc, on a joué dans différentes formations. Ensemble avec Yann. Des formations qui se sont arrêtées. Du coup, on est allé chacun un peu de notre côté, jouer dans d'autres groupes. Mmh. Et puis là, on s'est retrouvés Il y a 3 ans et demi maintenant, ouais. Ouais. Et Jean-Noël, qui a posé ses valises dans notre jolie région. Ah, parce qu'il vient d'où? J'étais en région parisienne avant de débarquer dans la région. Attends, je me tourne, je te vois pas bien. Oui, je suis là. Et voilà. Et du coup, j'ai rencontré Yann sur un projet précédent, qui a foiré, hein, comme bien des projets. Et comme on accrochait bien à travailler ensemble, on a dit, allez, on remonte quelque chose. On était bien motivés, on a fait un truc qui n'avait rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Et puis du coup, on a rallié Nico à notre bagage. Et c'est parti. Et puis là, on va découvrir votre EP. Alors, nous, il est sorti quand? Tout à l'heure. Donc en exclusivité. C'est ça, ouais, c'est tout frais, ouais, c'est tout frais. Il vient d'être démoulé, enfin dépressé, je sais pas comment on dit. Eh ben, il vient de sortir. C'est parti, Pan of July sur Radio Duo, l'émission de Radio Gaga. Always waiting for you, and nothing ever comes. Question need your answers. Please start your train of thoughts from your mind to your mouth. Have you ever done this journey? You stand looking. Please start your train of thoughts. Ready on time, no control on our train of thoughts. Ready on time. Always waiting for good times, always waiting for good life. Knock on your door, please start up your train of thoughts. Opportunities become scarce, my little friend. Welcome on earth, don't spend your time faking your train. Ready on time, no control on our train of green. Pan of July. Donc c'est Allô. Le titre qui marche le mieux, il paraît. Comme le disait ma maman... Avec le micro, c'est mieux. Il est fatigué. Hein, c'est son titre préféré à ma maman et à Michel aussi, apparemment. Ouais, dites donc. Ouais. Apparemment, c'est pas les seuls. Ouais, c'est pas les seuls. Après, il y a mon pote, je lui ai promis une dédicace, alors je vais lui faire. Mon pote Riri, qui nous écoute. Apparemment, c'est aussi son coup de cœur. Et il s'entraîne à la jouer à la guitare. Donc ça fait toujours un petit peu bizarre quand t'as des collègues qui commencent à dire « Ah tiens, je reprends ton morceau, tu vois. » Vous demandez des royalties. On va lui demander. Non, déjà, je vais lui filer les accords. Ce sera déjà pas mal. Il galère à moi. Ouais, voilà. Il a qu'à monter un groupe avec Fifi et Loulou. Ah, génial, Ouh, celle-là. Désolé, mon rire. C'est ce que j'avais à dire. Il a de l'humour, ce batteur. Il est bon. Il fallait pas dire que c'était le batteur. Personne n'avait reconnu ma voix. J'avais encore la face sauve. C'est foutu, là. Peut-être ta maman. Voilà, c'est ça. Encore. Alors, ça va être toi, Cécile. Ouais. Et ben moi, j'ai choisi un groupe français qui s'appelle Catfish. Je sais pas si ça vous dit. Non répondez pas tous en même temps, d'accord. Oui, madame. On est en train de chercher. C'est l'histoire d'un chat. C'est pas un mec et une nana, non ? Alors, je pense qu'il faut, comme vous, ils traduisent tout. Un poisson-chat. Voilà. Non, en fait, c'est un gars et une fille. Alors, ils sont. Je sais pas de quel bled. Chouchou et Loulou. Un gars et une fille, c'est pas que du jardin, ça ? Un gars et une fille, si. Ouais, peut-être ça. T'as vu. Et donc en fait, on a reçu le CD à la radio et je me suis dit chouette parce que c'était un truc que j'avais découvert un peu par hasard. Donc ils ont sorti leur EP en février de cette année là. Ah, comme nous. Ouais. D'ailleurs, je vais faire une page de pub. Les groupes, envoyez vos EP, vos albums, parce que nous, on les écoute. Ouais. Et quand c'est bon, on diffuse, on vous invite. Ouais, on peut confirmer. Ah. Bah, c'est gentil. Alors, merci. Bah, Pan of July, le mieux, c'est de le mettre dans la bagnole en fait. Comme ça, écouter plusieurs fois, c'est idéal. Tu vas au boulot avec. Et ben, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça sur l'EP, en fait, ouais, qui l'écoutent en boucle dans leur voiture. Il y a pas mal de personnes qui n'ont plus de lecteur CD aussi dans les voitures. Alors moi, je l'ai demandé en option dans la mienne. D'ailleurs, dans notre public, il n'y a personne qui fait du vélo, par exemple, tu vois. Si, moi, j'en fais du vélo. C'est vrai ? Tu l'écoutes en vélo ? Je l'écoute en vélo aussi, parce qu'il est sur mon téléphone. Putain, c'est fort. Hein. T'es trop moderne. Il a un collab. Il est en forme. Alors, on est alors quatre fiches. Ouais, alors j'en suis où ? Vous me perturbez. Ouais, carrément. Poisson-chat. Oui, alors les poissons-chats, tout à fait. J'en étais où ? Oui, alors c'est un groupe Pat, c'est pour toi. Okay. Parce qu'ils font la première partie de Kokomo, figure-toi. Ah, ouais. Génial. Au mois de mai, mais c'est à Paris, c'est con. C'est pas grave ça. Oui, tu peux y aller si tu veux. Et donc le titre s'intitule Mama Got the Devil Eye. You les envoie pas. Si, si, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais, c'est à bien. À la fin, parce qu'on a parlé un peu pendant. Oui. C'est bien. Hein. Ouais, c'est vrai que vous êtes très bavard. Hein. Ça envoie le pâté. Ouais. Bah, c'est l'occasion de parler de vous, justement, les Pan of July. Vos influences, c'est quoi? La question à laquelle on n'a absolument pas de réponse. En fait, on vient vraiment de trois univers complètement différents. Ouais. Et c'est sans doute notre richesse. Mais quels sont? Mais alors, par contre, c'est, ça part vraiment dans tous les sens. Hein. Donc, moi, je viens du Musette au départ. Mmh. Ah oui. Moi, de la bossa reggae. Et Nico, on connaît même pas le style. Moi, c'est le hardcore en slips. Voilà. Alors, le mélange des trois est assez. Surprenant. Non, c'est. Ouais, on a tous un peu notre univers. On est. Sérieusement, on a croisé des chemins. Je suis plus jazz rock. C'est-à-dire, dans ce que j'écoute. C'est large. Eh ben, justement, ouais. J'écoute autant des gros bassistes comme Stanley Clark, Marcus Miller. Ouais. Que. Vu à Vienne, oui. Que du rock, voilà, comme Tool, comme les Red Hot Chili Peppers, voilà. Qu'on va écouter tout à l'heure. Ouais, aussi, ah. Ouais, parce que c'est le morceau qui nous. C'est pas l'album qui nous unit, plus connu, c'est marrant. Ouais. C'est le morceau qui nous, ouais. Qui nous unit en fait, ouais. Voilà, puisque c'était le principe. Ouais, on a eu un peu de mal à choisir, mais ouais, c'était impossible de choisir un morceau. Ouais, sinon moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien les Pixies, j'aime bien Placebo. Oui, voilà. Placebo. Oui. Ouais, Placebo, oui, mais la Pixies. Ah si, c'est bien les Pixies. J'ai du mal, moi. Non, mais Harry, il y connaît rien. Les gars, je vous rassure tout de suite. C'est vrai qu'en musique, j'y connais rien. Tu peux le dire. Et alors le chanteur. Moi, je suis passé par pas mal de phases. Ado, je suis passé à écouter du métal. Après, j'ai fait un grand écart. Je suis parti dans la musique africaine. Ah oui. Percussion, polyphonie, polyrythmie, voilà. Et puis, globalement, tout ce qui est pop-rock qui sonne un peu teinté, soul, voilà, au sens large. Alors quand j'ai écouté votre album, moi j'ai pensé à, enfin, dire des conneries, mais j'ai pensé à Police, moi. Mm-hmm. Ah ouais. Ouais. Ah bah pas eux, tu vois bien. Police ou non. J'ai envie de dire ou les premiers à Maroon 5 un peu. Mais voilà. Les premiers, je parle pas d'accord. Des eh ben, les derniers pas, Maroon eh ben, 5 très pop. Et bah tu vois, personne, enfin je veux pas parler pour les autres, mais tu vois c'est pas ce qu'on écoute, ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est marrant, c'est croisé. Ouais. Moi, je viens du métal à la base, hein, du gros métal qui tâche. Bah, t'avais des cheveux et tout. Exactement. Ouais. Il en ça m'arrivait encore. Dans le badaud. Il en a encore. Oui, oui. Long, je veux dire. Ça, c'est pas sympa pour le chanteur. Hein. Allez, paf. Non, mais j'assume ma calvitie. Et pour les gens qui ne nous voyaient pas. Bah, on le connaît, on le voit en concert. D'ailleurs, c'est quand qu'on peut vous voir en concert. En fait, ceux qui ont une calvitie. Ont un taux de testostérone plus élevé, ils sont des performances sexuelles. Ils ont une grosse voiture. C'est Doc qui parle. Une grosse voiture. Alors, on se croirait sur Skyrock. En fait, c'est Doc qui m'appelle Conan. Ah, t'es en vélo, toi. On m'a toujours appelé Conan, moi. Pas Connard, hein, Conan. Bon, alors le métal, oui, mais c'est large le métal. Ça peut aller de Rage Against the Machine à AC/DC. Ça, c'était quand j'étais jeune. Iron Maiden. Iron Maiden, c'est quand j'étais jeune, mais une autre époque. Mais maintenant que t'es vieux. Après, je suis tombé dans le trash, dans le death, dans le brutal death, dans le grind. Tout Metallica, ce qui la Bay Area, Megadeth, Slayer. Ouais, mais oui, mais bon, après, dans les trucs vraiment plus brutaux, quoi, les trucs vraiment sanglants, j'ai envie death de dire. Metal. Ouais, death brutal. Et voilà, puis voilà, un jour j'ai fait. Tu t'es coupé les cheveux. J'ai coupé mes cheveux, voilà, parce que j'arrivais pas à choper. J'arrivais pas à pécho, ça plaît pas aux filles. Ça dépend ce que tu veux. Bah, ça plaisait, mais dans les années 80. Maintenant, cheveux courts, petite barbe. Voilà. Il est très beau. Hein, voilà. Ah, merci, vous êtes gentil. Attention, il a déjà la grosse tête, le chanteur. Ça fait deux fois qu'on lui dit. Ouais, attention. Je dis ça, je dis rien. Alors, tu vas peut-être te péchoter ce soir. Voilà. Et après, on lance si la personne qui est intéressée me plaît pas, je fais du métal. C'est sa copine qui écoute, attends. Et donc, le mélange et tout ça, ça donne les Red Hot alors. Ah, ouais, on peut dire peut-être, c'est peut-être, presque ça, mais pas vraiment. Mm-hmm. Bon, ouais, faut une réponse. De toute façon, c'est toujours une question un peu con. Hein. Non, puis vraiment, il faut la poser quand même. Mais oui. Dans ce groupe, c'est vraiment une question à laquelle on n'a pas de réponse, quoi. Il n'y a pas de style. Ouais. Et en plus, on cultive un peu ce goût de la variété. Mais c'est très pop-rock, quand même. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on voulait pas s'enfermer, prendre une direction, à dire, allez, on fait ça, voilà, on met tel type. De style de jeu, tout ça. On aime autant faire des chansons tranquilles, cool, que des trucs un peu plus, voilà, un peu plus rock. Donc on veut pas fermer les portes. Voilà. En tout cas, ce soir, les Pan of July nous proposent d'écouter les Red Hot. Dernier album. light of day. We got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and go, blow by blow and go away. Oh, what do you say? Yeah! You don't know my mind, you don't know my kind. Dark necessities are part of my design. And tell the world that I'm falling from the sky. Dark necessities are part of my design. Stumble down to the parking lot. You got no time for the afterthought. The light, ice cream for an astronaut. Well, that's me looking for weed. Turn the corner around. Find the world at your command. Lay in the hand. Yeah! You don't know my mind. You don't know my kind. Dark necessities are part of my design. Tell the world that I'm falling from the sky. Dark necessities are part of my design. I'm kitchen. Hello, padding, I can choose a dilated, bastard waiting for nothing. Circus clowning, guardian, the gates of heaven, packed stuck in limbo, abduction. Alors. Ouais, alors on vient de s'écouter At the Drive-In, je sais pas si vous connaissez ce groupe. Non, pas du tout. Non. Ah non, tu nous fais découvrir à chaque fois des belles choses. Ouais. Jean-No, il connaît. T'as aimé toi? Bah oui. Ouais. Bon, ok. Ouais, c'est un groupe de hardcore qui envoie. Agressif. Ouais. Avec des mais avec des petites lignes mélodiques qui vont bien. Et c'est le chanteur de Mars Volta aussi, je sais pas si ça vous parle. Moi ça me parle. Ouais, Jean-No, davantage. Ça me parle aussi. Voilà. Je connaissais Ultra Volta. Ouais, les deux je connais en fait. Ouais, voilà. Très américain. Très bon. Alors, moi, j'ai eu du mal un peu à écouter, et puis finalement, ça le fait bien. Voilà. Et bon, on fait une dédicace à Damien Grivet, qui aime bien. Qui est un collègue de travail qui aime bien At the Drive-In. C'est lui qui m'a fait découvrir quand il était. Il y a très longtemps. Et moi, je fais une dédicace à mon frère. C'est pareil, ouais, c'est lui. Ben, moi, je fais pas de dédicace. Oh, voilà. Pas toi. Non. Non. Donc, on est toujours avec les Pan of July. On n'a pas parlé tout à l'heure de l'actualité, au fait. Ah c'est oui. Quand le prochain concert? L'actualité. Alors, elle n'est pas très, très riche en ce moment, si ce n'est qu'on est avec vous ce ah. soir. Donc, ça, c'est déjà oui. bien super assez riche pour combler nos cœurs. on va enchaîner début mai sur une autre radio, qui est RVR Radio, sur l'émission de Doudou. Hein, quand on lui fait un petit coucou. C'est où RVR ouais, Radio? Alors RVR, c'est la radio Val de Rhin, donc c'est-à-dire que ça inonde Amplepuy, Tarare, Roanne. D'accord. Donc, voilà. Donc des confrères. Voilà, c'est ça. Bien. Je vous invite à écouter leurs émissions qui ressemblent pas mal aux vôtres et qui sont sympas, qui mettent en avant les groupes locaux. Donc voilà, on va aller présenter l'EP là-bas et puis après, ben, les premiers concerts seront mi-juin. Quand même. Faites de la musique, non? Ouais, pour l'instant, on est en train de se placer sur quelques dates pour la fête de la musique, ouais. Ok, mais il n'y a rien de fixé pour le moment. Il y aura sûrement du côté de Renault dans le Rhône le 15 juin. Ouais. Il y a voilà, une grosse soirée concert qui va débuter en plein milieu d'après-midi, qui va s'étendre jusqu'au milieu de la nuit, où là, je pense que ça va passer au moins une dizaine de groupes, non? Facile, ouais. On va enchaîner. Et puis après, les autres, on ne sait pas encore, on attend les confirmations. Ok. Alors, vous savez qu'il y a un lieu sympathique, alors ils sont un peu complets jusque tard dans la saison, mais on y allait plusieurs fois à la Sauve sur Semaine. Il y a ah ouais, d'accord. Un bar qui s'appelle l'Abreuvoir. Ouais. D'accord, ok. Donc le patron est assez rock. J'y vais la semaine prochaine. Je parlerai de vous. Il y a quoi la semaine prochaine? Rien, mais je vais voir le patron. Ah bon? D'accord. J'ai le droit. Tu as tous les droits. Bien, c'est mon tour. Je vous propose une reprise. Tant que tu vas pas voir la patronne, tout va bien. Bah, je vais voir les deux en fait. Ah bon, ça va. Tout bien, tout honneur. Eh oui. Donc une petite reprise de Joy Division, She's Lost Control, par Girls Against Boys. Ça va plaire à et nous. Oui, Joy, c'était une grosse influence aussi. C'est ouais. sûr, c'est sûr. Bah, j'espère que cette reprise va te plaire. Alors c'est un groupe américain, Washington, et ils ont la particularité de jouer avec deux basses. Et voilà, c'était une nouvelle découverte. J'ai adoré cet album. Des femmes, trois femmes. Elles sont black, elles sont punk. C'était les Big Johnny. Et ça, c'était cool. Ah ouais, vraiment un coup de cœur. Alors maintenant, les Pan of July, toujours avec nous. Et on nous proposait un petit morceau en acoustique. Quand vous voulez, messieurs. Avec plaisir. On a décidé de vous faire un nouveau morceau qu'on a joué qu'une seule fois sur scène. Et c'était loin d'être dans cette configuration, hein, parce qu'il y avait batterie, basse. Là, ce ne sera pas le cas, ça va être acoustique. Et voilà, ça s'appelle « Cause Tomorrow Will Never Come ». She loved to save her, the gesture of an hour in a new life. Counting on a guy, the savior who could try to fill this broken heart that consumes. Any situation won't have some solution, depends on the time it's gonna be. Today she's looking for gold. Today she's looking for gold. Today, 'cause tomorrow will never come if I ask her to bet. Today she's looking for gold. Today she's looking for gold. Today. Tomorrow will never come if I stop to bid it. 'Cause tomorrow will never come. Do you know where I hope? Pan of July sur Radio Dio dans l'émission Radio Gaga. Merci, superbe. Merci, merci. C'est là qu'on voit les bons morceaux aussi, en faisant de l'acoustique. Alors, je crois que vous avez une deuxième surprise pour nous. Ouais, exactement. Donc, le prochain morceau s'appelle Mud on My Boots. Et ça n'a rien à voir. On change complètement d'univers. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait aussi d'une manière générale, un peu le grand écart comme ça dans nos morceaux. Et voilà, donc on vous laisse découvrir. C'est une mise au vert. Voilà, on va parler de chemin alternatif pour les gens qui prennent le choix de un peu tout quitter pour se mettre au vert et prendre des bonnes décisions pour leur petite vie. Et donc pour aussi la vie des autres. Voilà, c'est très positif comme morceau, même si ça parle de sang et de trucs un peu dégueux. Voilà. on vous laisse découvrir. On va mettre le ukulélé là. Hein, ah oui, attention, ouais. Ukulélé. Ah, super. Yeah. Pan of July. July sur Radio Gaga. Et il est grand temps de se quitter, messieurs. Merci pour ce superbe moment. Bravo, bravo. Merci. Donc on a tout filmé, ouais. On va mettre ça sur le Facebook de Radio Gaga, on vous le fera passer, évidemment. Et ouais, cool. J'aime bien la fraîcheur du ukulélé. Ouais, c'est chouette. Ouais, hein. T'as vu ouais. Marrant. Hein. Ouais, non, je trouve ça chouette, en plus il est beau. Ah. Qui, le ukulélé ou le joueur de ukulélé que... Parce que ça fait trois fois. On a bien compris que tu trouvais le joueur de ukulélé. Nous nous retrouvons à la fin de l'émission si tu veux. Bah écoute, qu'est-ce que tu proposes? Quand il y a eu le ukulélé, ça m'a fait penser à Iz, là, vous savez, l'espèce de monsieur. Exactement. Moi, ça m'a fait penser à Eddie Vedder. Qui reprend Somewhere of the Rainbow. Oui. Et c'est, voilà. Mais après, c'est pas du tout été pareil. Sinon, t'as Julien Doré aussi. Il fait du ukulélé. Ben oui. Non, mais Eddie Vedder. C'est les baguettes qui sont dorées, mais c'est pas lunaire. C'est le meilleur. Bien. Vas-y, pose ça. Ben merci, les Pan of July. Merci, c'était super sympa. Merci de nous avoir conviés. Et puis, à bientôt sur scène. Ouais, on espère. Avec plaisir. Et nous, on se dit dans 15 jours avec et on accueille. Beyond Bizarre. Oui, exact. Oui, un groupe Bizarre. De Lyon. Bizarrement. Enfin, ouais. Bizarrement de Lyon. Ouais. C'est la banlieue de Saint-Étienne. Oui, voilà, c'est ce que j'aime bien dire. Ouais. Mais ils sont bons à Lyon aussi, que veux-tu. Et okay. Puis tout à l'heure, on a oublié de dire demain au triple à Andrézieux. Alors attends, breaking news. Ah, breaking news. Donc, c'est annulé. Non. Si, parce que Joe a visiblement perdu sa voix. Ah mince. On peut les remplacer s'ils veulent. Eh bien. Il faut contacter le triple alors d'urgence. Vite, vite, vite. J'y étais mardi. Eh ouais. Bon, bah. Ben... Essayez, peut-être qu'ils vont dire oui, non, je sais pas. On va se quitter sur cette triste nouvelle. Ouais. Et puis, on se dit dans 15 jours avec les Beyond Bizarre. Exact. Merci, salut. Bonne soirée. Ciao. Merci, salut. Salut. Merci à tous.